des chiens pleins de sang, pleins de sang innocent. Et tout frais, tous nos cris, camarades devant nous. Comme une hirondelle défiant le ciel, en un peu plus vite, nous nous dressons déjà. Comme tel homme de mer, pliant des balles, chantant des îles, nos patriotes morts. Après avoir plus longtemps, une nuit arrête le temps. Que des chiens pleins de sang innocent, et tout frais, tous nos cris, camarades devant nous. Sur Yaoundé, foi d'un.